Well done, my selector. Ah, Caribbean with the one. Big up your chest. Avec mon petit corps, j'inaugure un rap gros bras, celui qui était pas prévu au programme. Comme mon dealer, 15 ans expert en kilogramme. Qui l'a dit, CF10 c'est pas un drame. Comme cette vie graineux que les potes et moi on condamne. Pas prévu qu'ici on amortit le prix des armes. Ma musique soit number one, ma vérité soit aussi dingue. Et hors de monde, attends ici on t'appelle ancien à 30 ans. Comme on a tendance à partir trop tôt, laisse-moi vivre ma jeunesse. Faut pas me speeder, je sais que je suis en retard dans leur programme test. Je me pose sur le boomerang, c'est ça qui les vexe. Comme un grainé en merco, c'est bâbord. Virus si on réussit, c'est tous prédateurs. Prêt à tout, à toute heure, comme c'était jamais prévu. Pas les mêmes règles, les mêmes valeurs. Les dernières sapes à la maison attirent la queue fureur. Trop déçu pour eux, les parents ont pas bien vu ça. Trop de vices pour eux, leur système a pas prévu ça. Programme, trop d'esprit pour eux, les parents ont pas prévu ça. Trop de vices pour eux, leur système a pas prévu ça. Programme le kidam, qui sur ma ganache qui femme. En jeu, si c'est juste ça la manœuvre que tu trames. Moi je suis hors programme, hors champ. Pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est pas le moment, pas comme ça que je vais chasser mon temps. Qui peut répondre présent à la citoyenneté qu'on veut nous coller. Bon gré mal gré, je suis pas prêt à m'embraser. Tant que le français sera amnésique, hors programme, façon phénoménale, c'est vrai. Je développe cette activité. Hors programme en fait, pour tout ce qui est amalgame, pour tout ce qui se trame au niveau européen. Moi je veux rouler ma bosse sans bijou pirate, technocrate. Je suis amérindien, jamais je vivrai au sein de cet équilibre insensé qui l'intégration. Sans rime passe par programme, c'est le crépule exclu. Fondu, pompon, point caduc. Non froid connection, t'as vu. Je bosse pour mes B au sein, c'est mon but. Ma tribu, eh, que demande le peuple. Trop d'esprit pour eux, les parents ont pas prévu ça. Trop de vices pour eux, leur système a pas prévu ça. Trop d'esprit pour eux, les parents ont pas prévu ça. Trop de vices pour eux, leur système a pas prévu ça. Programme comme être star, comme Jojo. Numéro 1 sur moi-même, demande à ta radio. J'agis hors programme, mais à fond dans le circuit. Je booste avec FD. La faux court circuit, hors circuit. Hey, regarde la route. En plus, c'est les flots mammouth. Hey, comme on coupe les couilles des chiens. Ça fait morbide quand je dis ma couille. Hors test, car consciente mes pulsions. À tout moment dans ma vie, crée de l'attention. Attention, car tous mes réseaux accumulent cette pression. Hors prévision, ils ont pas prévu de notre place ici. Tout le monde veut être patron. Une fois que j'ai compris ça, j'ai la foi qu'inquiète. FD, c'est quoi le programme? T'inquiète. Avec. Trop d'esprit pour eux, les parents ont pas prévu ça. Trop de vices pour eux, leur système a pas prévu ça. Programme. Trop d'esprit pour eux, les parents ont pas prévu ça. Trop de vices pour eux, leur système a pas prévu ça. Programme. Trop d'esprit pour eux, les parents ont pas prévu ça. Trop de vices pour eux, leur système a pas prévu ça. Programme. Trop d'esprit pour eux, les parents ont pas prévu ça. Trop de vices pour eux, leur système a pas prévu ça. Programme. Jojo Star, FD Phénomène. Hors série, hors clash, hors test, hors programme.